Digaist es. Mane. Mane. Mane. Mane. Y'a des gars, cherche la monnaie depuis tout petit. Déjà jeune, j'étais en manque de pièces, ça me creusait l'appétit. Depuis la tétine, on cherche des plans. Tout est bon pour faire quelques francs. Je fais pas de la zig pour ça, sinon je peux attendre. Je suis pas à 100%, car je ne suis pas à temps. On a tous des rêves, quand on voit les films US, on a tout essayé, on n'a jamais fait de sieste. On réussira sûrement nos vies, pour l'instant c'est que le début. L'argent fait le bonheur de celui qui n'en a jamais vu. Yeah, on donnerait tout pour elle, pourtant ce n'est que du papier. Je suis encore loin d'elle, donc je l'écris que sur du papier. On a de l'ambition, donc je démissionne, impossible est ma mission. Donc j'écris au carbone et si des KSS tracés pour oublier son emprise. Tout le monde est accro à la monie, tous dans la même entreprise. Yeah. On est tous drogués de l'ambition d'avoir des billets verts. Elle contrôle le réseau, la crise de l'été à l'hiver. C'est la monie qui nous pousse à tout ça. Celle qui nous fait acheter des chrysanthèmes à la Toussaint. C'est la monnaie, monnaie, monnaie. C'est la monnaie, monnaie. C'est la monnaie, c'est la monnaie, c'est la monnaie, c'est la monnaie, c'est la monnaie, c'est la monnaie, c'est la monnaie, c'est la monnaie, c'est la monnaie, yeah. Mon étagne, mais je suis pas employé. Toujours prêt à faire un peu de peinture en juillet. C'est celle qui nous fait baver devant les Nike. Rêver chez Micromania, c'est celle qui nous fait prendre le mic. On persévère pour elle, mais le plus souvent elle vient avec la sueur. Faut avoir l'art de la rime, faut être un tueur. Beaucoup de dictons sur l'argent, mais nos pensées sont les mêmes. The Game 50, les autres ont déjà pris le thème. À bord d'un Q7, je sais que j'aurais pas la même chose. À bord d'une limousine, on se bat tous pour la même cause. C'est pas une mention au brevet qui t'apporte le bonheur. C'est quand t'as 50 ans, la petite voiture de Schumacher. J'ai trop de choses à dire sur elle. Elle fait tourner le monde comme Grégoire le dirait. Moi je veux entrer dans sa ronde. On la repère dans les matchs à Wayne Rooney. C'est la money. On est tous drogués de l'ambition d'avoir des billets verts. Elle contrôle le réseau, la crise de l'été à l'hiver. C'est la money qui nous pousse à tout ça. Celle qui nous fait acheter des chrysanthèmes à la Toussaint. C'est la money. C'est la monnaie, c'est la monnaie, c'est la monnaie, c'est la monnaie, c'est la monnaie, c'est la monnaie, c'est la monnaie, c'est la monnaie, c'est la monnaie, c'est la monnaie, c'est la monnaie, c'est la monnaie, c'est la monnaie, c'est la monnaie, c'est la monnaie, c'est la monnaie, c'est la monnaie, c'est la monnaie, c'est la monnaie, c'est la monnaie, c'est la monnaie, c'est la monnaie, c'est la monnaie, c'est la monnaie, c'est la monnaie, monnaie, monnaie.